Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité au 107. Nous sommes une heure sur Radio Guémozo pour l'émission La parole est à vous. Alors, on arrive en fin de mois, dossier consommateur, hein, puisque la presse consumériste est déjà dans les kiosques, et en particulier des articles, je vais vous commenter des articles de la revue de l'Union fédérale des consommateurs, Que choisir ? Alors, on reparle des arnaques, la plaie des mails frauduleux. Des centaines de milliers de Français continuent d'être inondés de mails frauduleux. Ils y répondent en dépit d'avertissements régulièrement, notamment dans Que choisir. Le principe, vous recevez d'une banque, pas forcément la vôtre, d'une administration, impôts, assurance maladie, ou encore d'un fournisseur de services, électricité, internet, un mail, à l'ère officielle, dans lequel on vous demande d'envoyer par retour diverses informations personnelles, à commencer par vos données bancaires. N'obtérez pas. Les escrocs les utiliseront pour vider votre compte. Un de nos lecteurs, dit Que choisir, a ainsi reçu un faux mail de l'assurance maladie. Il reprend fidèlement le logo de celle-ci, lui réclamant les numéros de sa carte bancaire au prétexte de lui rembourser 1099 euros. Répétons-le, l'assurance maladie, comme d'autres organismes publics, ne vous demandera jamais par mail ce genre d'informations. Autre réflexe, vérifiez l'adresse mail de l'expéditeur. La confusion peut être réelle. Sur le faux message orange qui nous a été transmis, dit Que choisir, il fallait renvoyer ses documents personnels à clientorange@europe.com. Certes, le nom de l'opérateur est bien mentionné, mais il ne s'agit pas d'un des comptes officiels. Enfin, ces emails malveillants sont souvent truffés de fautes d'orthographe. Pour exemple, le rapport technique Orange exige la vérification de vos informations personnelles sans deux LE, ou de français, lu sur le faux mail de l'assurance maladie. Un exemple, je confirme que mes informations personnelles peuvent être utilisées à des fins de vérification pour que je reçoive remboursement. Or, ça ne veut pas grand-chose dire pour que je reçoive remboursement tout court. Vigilance donc, on peut dire quand même, hein, comme met en garde Que choisir, mettre en garde nos auditeurs contre ces arnaques aux faux mails. Il y en a des quantités formidables. Bien, vous recevez un mail d'un copain, d'un ami, d'une connaissance qui vous dit « Ben oui, justement, je suis... à l'autre bout de la France ou à l'étranger, il faut m'envoyer des sous, etc. etc. » Hein, on pirate les mails d'autres personnes justement pour ça. Alors que dire encore, donc on va clore là-dessus. Alors des homologations des voitures. Alors des voitures officielles plus... des valeurs, pardon, officielles plus réalistes. Que choisir dénonce depuis longtemps l'obsolescence de la norme d'homologation des véhicules NEDC, entrée en vigueur en 1973, avec comme conséquence des valeurs de consommation, d'émissions de CO2 et de polluants annoncées par les constructeurs, très en dessous de la réalité. On se souvient de l'affaire Volkswagen, mais ce n'est pas la seule, pas le seul industriel automobile qui a été mis en cause. Mais depuis le 1er septembre, tous les véhicules, sauf ceux en fin de vie ou en stock, doivent se soumettre à un nouveau protocole, le WLTP. Ce qui veut dire, je vais vous faire grâce de l'anglais, test procédure que l'on peut traduire par procédure de test pour véhicules légers harmonisés au niveau mondial. Voilà, donc c'est un test au niveau mondial. Alors, ce test est censé mieux représenter l'usage réel de la voiture. Le WLTP prévoit une durée d'essai plus longue, une vitesse maximale rehaussée et des mesures complexes. Ainsi, au démarrage à froid, 14 degrés centigrades, quatre plages de vitesse sont mesurées sur le banc d'essai à rouleau, jusqu'à 60 km/h, 80 km/h, 100 km/h et à plus de 130, soit 10 km/h de plus à chaque plage par rapport à celle de l'ancien système d'évaluation. En outre, la vitesse moyenne est d'environ 47 km/h contre 33 km/h pour l'ancien test NEDC. La température dans la chambre d'essai est fixée à 23 degrés centigrades, alors que c'était 20 degrés, entre 20 et 30 degrés pour l'ancienne norme. La nouvelle procédure dure environ 30 minutes contre 20 minutes auparavant. La distance parcourue passe de 11 à 23 km. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça. Hein, les constructeurs doivent donc tester au moins la finition de base et haut de gamme pour chaque modèle doté d'un même moteur. En revanche, les équipements en option nécessitant du courant, comme la climatisation ou le chauffage, restent éteints lors des essais comme avant. Voilà donc, vous verrez que ça a même deux tests d'évaluation qui vont encore un peu cohabiter. Hein, je n'en dirai pas plus parce que c'est un article qui est assez long de que choisir, mais c'est quand même intéressant de savoir que les valeurs officielles sont plus réalistes pour l'homologation des voitures. Voilà, on va changer de sujet puis parler alimentation. Alors, paraît-il, il ne faudrait ne pas abuser des algues, hein, parce que c'est à la mode les algues aujourd'hui, mais encore faut-il savoir les risques pour la santé. Conserves, tartares, biscuits, boissons portées par la vague végétarienne. Les algues s'invitent de plus en plus souvent à table. Elles sont présentes dans de nombreux compléments alimentaires. Or, elles peuvent contenir beaucoup d'iode, dont l'excès est délétère. C'est ce que dit l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES. Il peut, cet excès d'iode, notamment provoquer la hyperthyroïdie avec des répercussions au niveau cardiaque, une insuffisance rénale, sans parler des interactions médicamenteuses. Si vous présentez un dysfonctionnement thyroïdien, être cardiaque ou insuffisant rénal, suivez un traitement contenant de l'iode et du lithium. Être enceinte ou allaitée, ne consommez pas régulièrement des aliments qui contiennent des algues. C'est ce que conseille l'agence. Si vous n'êtes pas dans ce cas et en consommez beaucoup, privilégiez les produits ayant subi un traitement thermique qui fait baisser la teneur en iode. Conserve beaucoup. La spiruline pose d'autres problèmes, mais n'est pas concerné, car elle est pauvre en iode. Voilà, ben, c'est vrai, l'excès en tout, on pourrait dire, est un défaut, et donc même la consommation d'alcool, ben, il faut se méfier. Voilà, on va encore aborder le domaine de la santé, parce que qu'est-ce que constate l'assurance maladie? C'est des arrêts de travail de plus en plus fréquents. Alors pourquoi? Ben, boosté par la réforme des retraites. Hein, chacun sait que l'âge de la retraite était porté de 60 à 62 ans, voire de 65 à 67 ans pour ceux qui ont des carrières incomplètes. Et donc, ça a une influence directe sur l'assurance maladie, puis chômage, bien entendu. Hein. Et certains spécialistes ont fait le calcul en disant, bien finalement, la prolongation de l'âge de la retraite coûte globalement plus cher à la société que ce qu'elle rapporte aux caisses de retraite. Ben oui, forcément, hein, parce que plus les gens vieillissent, plus ils ont besoin d'arrêt de maladie, souvent, hein, parce que leur santé est déficiente. Hein, on voit beaucoup de personnes de plus de la cinquantaine qui ont déjà des problèmes, par exemple, articulaires, pour ne citer qu'eux. Et puis bien sûr, par rapport à l'assurance chômage, parce que plus on prolonge la durée d'activité, et plus évidemment, les personnes se retrouvent facilement au chômage, étant donné que dans les entreprises, on pousse dehors des seniors. Depuis un an, le coût des arrêts de maladie pour l'assurance maladie a progressé de 4,6%. C'est considérable. Même si les arrêts de travail ne sont qu'une goutte d'eau dans la mer par rapport au budget de l'assurance maladie. Une tendance de fond, dit que choisir, qui pourrait se poursuivre. puisque la hausse était déjà de 13,4% entre 2013 et 2016. Ce n'est pas tant leur nombre que leur durée qui augmente. Et la réforme des retraites y est pour quelque chose, souligne l'assurance maladie. L'âge minimal de départ à la retraite est désormais fixé à 62 ans. Or, les travailleurs les plus âgés se voient prescrire les arrêts les plus longs et les mieux indemnisés, forcément, puisqu'ils obtiennent une certaine ancienneté dans l'entreprise, ce qui fait qu'ils peuvent accéder au complément employeur. Voilà pour ce qui est on reparlera du domaine de la santé avec l'affaire Lactalis, mais en attendant, on va parler aménagement du territoire. Et selon que choisir, il faut faire entendre sa voix en tant que citoyen, en tant que consommateur. Eh bien oui, parce que justement, les aménagements du territoire sont faits souvent en dépit du bon sens et contre l'avis des citoyens. Modification du plan d'urbanisme, construction de routes ou autres opérations publiques susceptibles d'affecter l'environnement doivent faire l'objet d'une enquête préalable auprès des citoyens concernés. Mais ceux-ci réagissent parfois trop tard pour donner leur avis. Tout le monde ne passe pas son temps à scruter les affichages en mairie ou chaque page du journal local. Une solution vient d'être mise en ligne par l'Union de la presse régionale. Le site notreterritoire.com recense toutes les enquêtes publiques. Son vrai plus est la possibilité de créer une alerte sur la ou les communes qui vous intéressent afin d'être prévenu automatiquement. Ça peut être intéressant parce qu'effectivement, les enquêtes d'utilité publique, on sait très bien qu'elles sont la plupart du temps bâclées rapidement parce que les citoyens ne s'y intéressent pas suffisamment, s'ils ne se sentent pas directement concernés. Et pourtant, si on estime avoir sa place dans la chose publique, on devrait participer plus facilement, avoir de l'information sur ces enquêtes d'utilité publique. Voilà, puis justement, on va s'accorder une pause musicale. Il y a un appel à témoignage de que choisir concernant la justice, la médiation et la conciliation. Et que choisir de demander, vous avez récemment eu recours à la justice civile ou pénale, vous avez été engagé dans une procédure de médiation ou de conciliation, bonne ou mauvaise, racontez-nous votre expérience. Vos dossiers nous serviront à alimenter une prochaine enquête. Apparaître dans que choisir. Voilà, les témoignages sont adressés par courrier à Arnaud de Blove, Pascal Barlet, 233, boulevard Voltaire, 75 555, Paris Cedex 11. Ou par mail, quechoisir.org en particulier. Hein. Mais pour ceux qui sont abonnés à la revue de l'UFC, ils trouveront facilement les coordonnées de l'UFC que choisir. Voilà, on peut s'accorder peut-être une pause musicale quand même avant de poursuivre ce dossier consommateur. Ce matin, une envie de prier. Je me lève ce matin, une envie de crier. J'en ai assez d'entendre ces nouvelles à la télé. J'aurais bien comme une petite envie de voyager. J'aurais bien comme une petite envie de voyager dans un pays d'amour, de joie, d'humanité. Je place un doigt au hasard sur la carte du monde. Je place un doigt au hasard sur la carte du monde. Où est ce pays de liberté? Je J'ai vu New York cet été, c'était bien là-bas. J'ai vu New York cet été, ouais, c'était bien là-bas. Maintenant je n'irai pas car cet homme est là. Quelle folie délire ce président, chers amis. Quelle folie délire ce président, chers amis. Je me sens encore d'humeur épineuse ce matin. Je sais que ça ne va pas durer, ça va changer. Je sais que ça ne va pas durer, ça va changer. Mais je sens d'humeur épineuse un oursin. Ouais. C'est malin ça. Humeur épineuse quoi, un oursin. Eh bien voilà, nous reprenons l'antenne avec ce dossier consommateur pour le mois d'octobre. Eh bien oui, la presse consumériste, comme je le disais à l'instant, est déjà parue dans les kiosques. Alors Lactalis, là j'ai trouvé un article de Que Choisir, toujours la revue de l'UFC auquel je fais référence, eh bien, qui fait l'Union fédérale des consommateurs fait elle-même référence à un article du Canard enchaîné, il y aurait eu un bien curieux vol d'ordinateur. De quoi s'agit-il? Simple coïncidence ou nouvelle chose trappe dans l'enquête sur le lait contaminé à la salmonelle commercialisée par Lactalis? Dans son édition du 31 août, le Canard enchaîné révélait qu'un curieux cambriolage avait eu lieu en mai dans les locaux de la DGCCRF. Direction générale de la consommation, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, située dans le 13e arrondissement de Paris. Selon l'hebdomadaire, les voleurs sont repartis avec, citation, un ordinateur recélant des documents confidentiels sur l'affaire, affaire Lactalis bien entendu. Aux côtés de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique, une structure composée de gendarmes, de policiers, la DGCCRF est chargée de faire la lumière sur ce dossier. Plusieurs plaintes ont été déposées par les familles de victimes dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte à l'initiative du parquet de Paris. Pour, entre autres, blessures involontaires et mise en danger de la vie d'autrui. De son côté, l'UFC Que Choisir a porté plainte contre Lactalis en décembre pour tromperie. J'ai des informations qui laissent à penser que l'ordinateur volé contenait les éléments concernant l'enquête pénale, confirme maître Yazine Bouzrou, qui assiste plusieurs familles de victimes. À la suite de cet événement, il a porté plainte au nom d'un de ses clients pour soustraction de preuves. Ce cambriolage, poursuit l'avocat, montre que soit cette enquête est prise à la légère. Car ne pas protéger de tels éléments, ce n'est pas très professionnel. Soit que l'affaire est si sérieuse que certains n'hésitent pas à prendre des risques. Fin de citation. Et M. Bouzrou d'ajouter, toujours citation, « Dans ce dossier, les implications sont nombreuses et le rôle de l'administration reste à éclaircir. C'est pourquoi nous avons également déposé plainte il y a plusieurs mois contre la DDCSPP, Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de Mayenne, où se situe l'usine Lactalis incriminée, et contre la DG, AL, Direction Générale de l'Alimentation, début septembre. L'enquête Lactalis restait dirigée par le parquet, aucun juge d'instruction n'ayant été nommé. C'est quand même assez formidable. Cela devient pourtant urgent et nécessaire au regard de la complexité de l'affaire, enchaîne M. Bouzerou. Mais on voit bien qu'il y a de la gêne autour de ce dossier. Il est aussi curieux que l'enquête sur le cambriolage n'ait été confiée qu'à un commissariat local et non à un service de police judiciaire plus musclé. Le vol a quand même eu lieu dans le service du ministère de l'Économie et a touché un dossier sensible. Fin de citation de fin du texte de M. Bouzerou. Voilà, ben, que dire par rapport à ça hein. On peut se demander comment cet ordinateur a pu disparaître comme ça. Hein. Cambriolage, c'est peut-être un cambriolage interne au service, qui sait. Parce que quand même, pour qu'un cambrioleur extérieur soit vraiment mis au courant quel ordinateur prendre, bon, c'est quand même un peu difficile à accepter. Voilà, donc l'affaire Lactalis... C'est toute une histoire à épisodes et les médias n'en parlent plus beaucoup. Et pourtant, Dieu sait que dans cette histoire-là, il y a quand même eu mise en danger de la vie d'autrui. Alors on va changer de sujet, on va parler d'électricité. Les petits consommateurs pénalisés. Le tarif bleu d'EDF a évolué en plein cœur de l'été. Faut-il s'en désoler ou s'en réjouir? Tout dépend du montant de sa consommation. Car si les prix des abonnements augmentent, ben oui, il y a ce fameux compteur, n'oublions pas, hein, ce fameux compteur Linky, qu'on disait que c'était gratuit, mais non, c'est pas gratuit, loin s'en faut. Ceux du kilowattheure baissent, un peu. Les plus pénalisés par ces nouveaux tarifs sont les usagers abonnés en petite puissance et qui consomment moins de 2500 kWh par an. En effet, l'abonnement en 3 kWh a flambé, plus 37%. Et la baisse de 6,2% du prix du kWh ne compense pas cette hausse. Les abonnés à des puissances supérieures sont moins pénalisés. Le prix de l'abonnement augmente de 9,7%. En 6 kW, de 76% avec l'option heure pleine, heure creuse, en 9 kW et de 74% pour les 12 kW. Compte tenu de la légère baisse du prix du kWh, 0,8 en heure pleine, moins 1,9 en heure creuse, plus on consomme, plus on est gagnant. EDF privilégie donc les ménages équipés en tout électrique pour le chauffage et l'eau chaude. Cette stratégie d'augmentation de la part fixe et de baisse du prix du kilowatt est antinomique avec les discours officiels prônant les économies d'énergie. Et il est de plus inutile de chercher un autre fournisseur d'électricité pour échapper à ces hausses. S'ils sont nombreux à offrir une réduction par rapport à un tarif réglementé d'EDF, celle-ci ne concerne que le prix du kilowattheure hors taxe, qu'il s'agisse d'une offre commerciale en prix indexé ou en prix fixe. Tout le reste, en particulier l'abonnement, se cale sur le tarif réglementé, bien entendu. Ben voilà, moi je serai parmi ces consommateurs d'électricité, je dois dire, qui va être lésé, puisque de toute façon, je vais voir le prix de mon abonnement augmenter, alors que je fais des cruels efforts pour ne pas consommer d'électricité, le moins possible. Hein, j'ai plus de chauffe-eau électrique, etc. Et ben voilà, comme quoi on lutte pour la maîtrise de l'énergie. Alors que c'est tout le contraire. On va revenir un peu à l'environnement avec le tri sélectif. Eh bien, on est dans la guerre des plastiques. J'ai récemment abordé ce sujet dans ma chronique hebdomadaire, mais... Il y a un article de Que Choisir qui va bien dans le même sens par rapport aux soupes de plastique aujourd'hui. Une partie importante des emballages plastiques collectés dans les collectivités pionnières passées en extension des consignes de tri ne sont pas recyclables. que choisir le dénonçait déjà le mois dernier. Si les recycleurs peuvent en intégrer à petite dose à leur filière sans trop de dégâts, ils ont largement atteint les limites acceptables. Même Citeo, ex-éco-emballage, l'admet. Éco-organisme en charge de la gestion des emballages ménagers, il est financé par les cotisations des industriels et des distributeurs qui mettent des emballages sur le marché. C'est lui qui impose ses consignes de tri aux collectivités locales. Face à ce nouveau gisement d'emballages plastiques non recyclables, dont les régénérateurs de matières plastiques ne veulent plus, il nous disait vouloir regrouper les indésirables au centre de tri pour les récupérer et les prendre en charge. Ce sont des bouteilles de lait en PET opaque, les pots de yaourt en polystyrène, les barquettes alimentaires en PET. Mais depuis, l'association d'élus spécialistes des déchets, Amorce, en a pris une belle. Alors que les collectivités locales engrangent des recettes en vendant les balles triées par matériaux, Citeo veut nous piquer le flux du PET foncé, celui des bouteilles colorées, pour réduire ses coûts de prise en charge sur le plastique non recyclable. C'est Nicolas Garnier qui s'insurge. Hein, il est délégué général de cet organisme. Et il s'insurge. Ce serait en effet une perte de revenus sèche pour les collectivités locales, car les balles de PET foncées ont une valeur marchande qui réduit le coût de fonctionnement de leur centre de tri. Et donc le reste à charge des contribuables locaux. L'arbitrage du nouveau ministre de la Transition écologique et solidaire serait le bienvenu. On l'espère en faveur des consommateurs contribuables et des finances locales, plutôt qu'au seul bénéfice industriels qui choisissent de mettre des emballages en plastique non recyclables sur le marché. Ben voilà, on peut se dire que fait le gouvernement, que fait les pouvoirs publics par rapport à ça. Ben on voit que là encore, finalement, c'est les industriels qui ont le dernier mot, puis qui mettent n'importe quel emballage non recyclable sur le marché. Hein, on le voyait aussi dans un certain dossier d'envoyé spécial sur France Télévisions, comment que ça se passe dans certains pays. Ben on va changer de sujet une fois de plus. Il y a une mise en garde des consommateurs par rapport aux vasques explosives. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien, en janvier 2011, la Commission de la sécurité des consommateurs publiait un avis dans lequel elle demandait à ce que la norme applicable aux vasques en verre soit revue. Une intervention motivée par l'éclatement brutal de l'installation pouvant résulter d'un choc, mais également phénomène plus spectaculaire et surprenant, se produire de façon spontanée. Une nouvelle norme est sortie en 2015 pour prendre davantage en compte le rôle que peuvent jouer sur ces vasques les revêtements, vernis, peintures et les contraintes mécaniques liées à leur utilisation. Mais il y a encore des accidents. Le dimanche 26 août, en début de soirée, Joël Alcala, avec son épouse au rez-de-chaussée de sa maison, dit « Soudain, nous avons entendu une énorme explosion venue de l'étage. » C'est ce qu'il raconte à Cochevire. Lorsque nous sommes entrés dans la salle de bain, il y avait plus de vasques, mais du verre éparpillé partout. Je n'ose imaginer ce qui se serait passé si quelqu'un s'était trouvé là. Cette vasque avait été achetée 169 € en novembre 2017 chez Leroy Merlin. À ma connaissance, elle n'avait pas subi de choc, précise ce consommateur. Il ne faisait pas chaud ce soir-là, contrairement aux semaines précédentes où nous avions connu une période de canicule, ce qui pourrait expliquer cette explosion, choc thermique. Il contacte ce consommateur, Leroy Merlin. Il a commencé par me rire au nez, se souvient-il. Un responsable d'enseigne m'a cependant rappelé pour me dire que je pourrais aller chercher une nouvelle vasque et surtout qu'il n'y avait eu d'autres plaintes concernant cette référence qui allait faire l'objet d'une rupture de rappel. Voilà ce que dire hein, par rapport à ça, ben, qu'on met sur le marché des choses qui sont fragiles et puis qui peuvent, alors dans une vasque comme ça, provoquer des accidents. Peut-être avant de s'accorder une nouvelle pause musicale, on va parler des vélos et des deux roues. Est-ce qu'il faut, comme dans certains pays, et puis comme c'est de plus en plus le cas en France, des masques anti-pollution? Vous connaissez le casque pour le vélo. Maintenant, des masques anti-pollution. De plus en plus nombreux dans nos villes, les cyclistes et les conducteurs de scooters sont trop souvent du mal à respirer à cause de la pollution ambiante. Le port d'un masque est-il une solution pertinente? Pas sûr, répond l'Agence nationale de sécurité sanitaire. D'une part, la quasi-totalité des masques prétendent protéger contre les particules, mais pas contre le gaz. Or, la pollution est le résultat d'un mélange complexe entre ces deux composantes, c'est-à-dire des particules fines et puis des gaz. Surtout, l'efficacité d'un masque dépend, entre autres, de son adaptation à la morphologie d'utilisateur. S'il est mal ajusté au visage, la protection réelle ne reflétera pas les résultats des tests en laboratoire. De même, s'il n'est pas entretenu avec soin, dans ce contexte, loin de protéger, le port d'un masque risque de donner une fausse impression de sécurité qui peut conduire à adopter des comportements inappropriés, comme emprunter à vive allure les axes très fréquentés en cas de pic de pollution. L'ANSSI estime par conséquent qu'il n'y a pas de raison d'encourager le port de ces dispositifs et que la solution passe par la diminution de la pollution, ce qui paraît tout à fait logique. À noter que d'après une enquête qu'elle a menée dans le cadre de ce travail, les cyclistes ayant porté un masque, puis ayant renoncé pour diverses raisons, inconfort, inefficacité constatée, ne sont pas rares. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à nous raconter votre expérience via la formulaire de contact de notre site. C'est ce que demande Que Choisir. Donc le site www.quechoisir.org. Voilà pour ça, parce que bon, ben oui, ça, on en voit qui portent des masques. Bon, ce n'est pas le cas encore dans notre secteur, mais c'est sûr que dans les grandes villes qui sont très polluées, encore que celui qui se promène un dimanche d'été, qui monte le col de la Chouque, qui arrive au sommet du col de la Chouque, il respire peut-être plus de gaz indésirable que dans une grande ville. Mais enfin, c'est une autre histoire. Voilà, ben, j'avais promis une pause musicale. On va se l'offrir grâce à notre technicien. La corne au cœur, mais bon, j'ai tout interrompu. T'étais toujours de sale humeur. Je préfère quitter le navire plutôt que voguer sur tes larmes. N'essaie pas de m'attendrir, je ne me noierai pas dans tes charmes. Allez, ma belle, je te souhaite bon vent, bon vent, bon vent, ma veille d'avantage. Je t'en mets à tes orages, courage. On était pourtant bien partis. J'avais cueilli les pissenlits. Mais toi, tu t'es mise à bouler. Madame préfère les orchidées. trop vite à planter le décor en bousillant tous les bourgeons avant même qu'ils puissent éclore. J'en oublie déjà ton prénom. Laisse-moi faire une hypothèse, malaise. T'aurais voulu que ça me plaise, punaise. T'aurais voulu que je me taise, foutaise. Je t'imagine en prédatrice un peu félonne, maquillant ses grandes canines sous des losères de mignonne. Si tu savais comme je me flatte d'avoir su calmer mes ardeurs, de décliner une autre date, d'avoir su dire non à ton cœur. Allez ma belle, je te souhaite bon vent. Je t'en remets tes orages, courage. Et bien voilà, retour au dossier consommateur sur RGM 107. Ah oui, reparlons des halogènes. Ah ben oui, ça va être la fin des halogènes. Hein. Ça fait pas, c'est pas si vieux que ça, les halogènes. Et puis finalement, on en arrive déjà au bout. Depuis le 1er septembre, les distributeurs n'ont plus le droit de s'approvisionner en ampoules halogènes. Ils conservent toutefois la possibilité de vendre celles qu'ils ont en stock. Une interdiction qui avait été programmée par la directive européenne dite Eco conception concernant le secteur des lampes. Une première étape avait été franchie en 2012 avec la suppression à la vente des modèles incandescence. Petit à petit, les ampoules LED ont supplanté les halogènes, très gourmands d'électricité, ces ampoules halogènes, et si elles sont plus chères, les ampoules LED, à l'achat, leur prix est cependant orienté à la baisse, les LED sont à l'usage les plus économiques du fait de leur faible consommation. De plus, elles ont une durée de vie largement supérieure à celle des halogènes. Le mois prochain, Que Choisir publiera un nouveau test sur les ampoules, le précédent remontant il y a un an, voilà, sur les ampoules LED bien entendu, hein, puisque les halogènes vont disparaître, alors c'est peut-être pas... Bon, ou bien vous en achetez, j'allais dire, en promo, ça vous permettra peut-être de faire des économies, mais en attendant, bon, c'est vrai que c'est consommateur, c'est beaucoup de consommation d'électricité, et puis, puis une durée de vie quand même presque aussi faible que les ampoules incandescence d'avant. D'ailleurs, c'est des ampoules incandescence, n'oublions pas. Voilà, on va parler d'Orange. Alors, il y a, d'après Que Choisir, le mauvais tour d'Orange. Fin août, les abonnés Orange ont reçu de leur opérateur un courrier leur annonçant que le prix de leur forfait mobile allait augmenter de 2 euros par mois, à partir du 1er octobre. En échange, leur quota de données serait revu à la hausse, passant de 2 à 10 gigaoctets. Dans ce courrier, l'opérateur précise également que ceux qui le souhaitent, avaient la possibilité de refuser cette modification en se rendant sur leur espace client en ligne. Si la méthode est quelque peu cavalière, il n'en reste pas moins légal. Dès lors que le client a la possibilité de refuser l'augmentation ou de résilier son contrat conformément à l'article L224-33 du Code de la consommation, ce qui est le cas. Elle a même tendance à se généraliser parmi les opérateurs qui voient dans cette façon de faire un bon moyen d'augmenter leurs tarifs tout en contournant l'interdiction qui leur est faite d'imposer des actions payantes sans l'accord de leurs abonnés. Tant pis si dans le même temps, elles font des mécontents. Voilà. Alors, on va parler quand même du... On va continuer sur le téléphone à parler de la fin du RTC. Un fameux téléphone fixe a encore de l'avenir, d'après Que Choisir. Non, le téléphone fixe ne va pas disparaître prochainement, comme l'ont affirmé de nombreux médias ces dernières semaines. Orange a seulement annoncé l'abandon du réseau téléphonique commuté, ou RTC, qu'il avait déployé dans les années 80. Concrètement, on ne pourra bientôt plus passer un appel depuis un téléphone fixe branché directement sur la prise murale en T. Il faudra installer entre les deux un boîtier numérique, technologie IP, à partir du 15 novembre. Il sera impossible de demander l'ouverture d'une ligne RTC. En cas d'aménagement dans un nouveau logement, il faudra, dans ce cas, passer à l'IP. Pour les autres, rien ne presse. Les lignes RTC, actuellement en service, seront désactivées par zone sur une période s'étalant de 2023 à 2030. Ça ne court pas demain la veille, comme on peut dire. Qui plus est, Orange s'est engagé à informer les clients concernés avant l'extinction du signal et à équiper gratuitement ceux qui le souhaitent d'un boîtier numérique. L'opérateur promet également que le passage à l'IP n'entraînera ni changement de numéro, ni hausse des tarifs. Personne non plus ne sera obligé de souscrire à un forfait Internet. Seule réserve, le futur boîtier étant relié au secteur, le téléphone sera inutilisable en cas de coupure de courant. Et certaines alarmes. Fax et téléassistance pourront plus fonctionner. Les fabricants vont donc devoir adapter rapidement leur matériel. Voilà pour ce dossier. Téléphone. Que dire encore? On va revenir sur les problèmes de santé et le lévothyrox. Est-ce qu'on a tiré les leçons de cette fameuse crise du lévothyrox? C'est entendu, le changement de formule du lévothyrox, il y a un an, fut un fantastique ratage. Un rapport du docteur Gérald Kiersek, par ailleurs chroniqueur à radio, et de Magali Léo, juriste et représentante de l'association des patients qui s'appelle RENALU, le confirme. Les autorités n'ont pas suffisamment anticipé les effets indésirables possibles chez les très nombreux patients concernés, alors que la modification était envisagée de longue date. Une fois la crise en marche, une communication s'est focalisée sur les éléments scientifiques sans prendre en compte les remontées des associations. Les patients se sont sentis niés dans leur souffrance. S'appuyant sur ces éléments, le document avance des pistes, comme la mise en place d'une plateforme dédiée aux médicaments. Quelle différence avec la base de données en ligne aujourd'hui, ou encore l'onglet « médicaments » du site du ministère de la Santé? On peut se poser la question. Un effort sur l'accessibilité de l'information. Le rapport pointe à juste titre le renvoi systématique actuellement vers des sites institutionnels mal conçus et l'absence de mention du rapport bénéfice-risque de chaque produit. La plateforme donnerait aussi la possibilité aux usagers et aux professionnels de santé de poser des questions dans un souci d'interactivité. Le ministre de la Santé a pris acte d'ores et déjà et a d'ores et déjà annoncé la création du site santé.fr qui intégrera l'information sur le médicament. Pour les situations de crise, il est suggéré d'installer une cellule chargée de les identifier et de les gérer. Sur ce point, le ministre de la Santé s'est contenté sans plus de détails, de renouveler sa confiance à l'Agence nationale de sécurité des médicaments, qui a pourtant pas brillé lors de l'épisode de lévothyrox. Des idées intéressantes sont évoquées pour favoriser la circulation de l'information entre les autorités, les patients et les professionnels, y compris la communication directe par SMS ou par mail. Dans l'immédiat, il est simplement question d'étendre les messages urgents de la Direction générale de la santé à l'ensemble des professionnels de santé. Voilà, que dire par rapport à ça. Ben, c'est vrai que le domaine des médicaments, ben, on n'y touche pas trop. On n'a pas vraiment tiré à fond les leçons de la crise du Levothyrox. Hein, puis surtout, on a minimisé, bien sûr, les effets délétères, j'allais dire, de cette nouvelle molécule du Levothyrox. Voilà, on est dans le domaine de la santé, on va parler des fausses vertus de l'abricot sur le cancer. De quoi s'agit-il ? Ben, on va s'expliquer. Parmi les nombreux conseils farfelus florissant sur Internet, celui de consommer des amandes de noyaux d'abricot pour lutter contre le cancer. Aucune preuve ne vient étayer cette préconisation qui aboutit en outre à une perte de chance pour ceux qui croiraient bon d'y voir une alternative aux traitements médicaux. Alerté par des cas d'intoxication qui lui ont été signalés, l'Agence de sécurité sanitaire, l'ANSES, toujours elle, met en garde contre cette pratique dangereuse, car ces amandes contiennent l'amygdaline, un composé d'origine naturelle qui se convertit en cyanure, hautement toxique lors de la digestion. Voilà, tout le monde sait que les noyaux de pêche d'abricot peuvent contenir du cyanure. Enfin, se transforment en cyanure, plutôt. Eh bien, on va parler d'autres sujets de ces consommateurs. Donc, en particulier, les contrefaçons. Une saisie qui pèse 5 tonnes. On n'en parle plus souvent des contrefaçons, mais les douanes, même s'ils sont en effectif réduit, les services de l'État, même s'ils sont en effectif réduit, essayent de faire leur boulot. Début juillet 2018, les services douaniers ont interpellé en région parisienne une camionnette immatriculée au Royaume-Uni. Un contrôle ciblé qui a permis de mettre la main sur plus de 61 500 articles contrefaisant 30 marques parmi les contrefaçons saisies, montres de luxe, t-shirts, sacs à main, maillots de foot ou encore étiquettes à la marque Lacoste. 40 000. Au regard de la quantité trouvée, le conducteur du véhicule travaillait probablement pour un vaste réseau spécialisé dans le faux. Avec l'essor du e-commerce, et comme le montre une enquête apparaît de fin septembre dans Que Choisir Argent, le fléau ne cesse de gagner du terrain. En 2017, la douane a intercepté 8,4 millions de contrefaçons. Ce sont encore les vêtements et les accessoires qui arrivent en tête, juste devant les jouets et les jeux, les équipements électriques, électroniques et informatiques. Voilà, il faut quand même le savoir, quoi, qu'il y a beaucoup de contrefaçons. Alors, contrefaçon, est-ce que c'est... ces produits sont d'une qualité médiocre, pas forcément, hein, mais en attendant, c'est quand même une façon de piller la création, c'est une façon de piller aussi des industries, hein, et par rapport à ça, on peut être tenté d'acheter des produits de marque et puis en réalité c'est des contrefaçons alors qu'il y a des produits beaucoup moins chers qui sont vendus dans le commerce même si c'est pas des produits de marque. Mais enfin, bon voilà, on pourra en dire pas mal. Alors, que dire encore? Donc il y a tout un article que je passerai, puisque je l'en ai parlé, hein, c'est le billet d'Alain Bazo, de Que Choisir, qui parle des ménages défavorisés et pénalisés, justement, par l'histoire du coût de l'énergie, hein, le fait que les petits consommateurs vont voir les tarifs d'abonnement grimper d'une manière vertigineuse. Et donc, Alain Bazo, dans son billet... repart de l'ENKI, puisque c'est l'ENKI qui est responsable en grande partie de cette montée vertigineuse des tarifs d'abonnement. Mais ça, je crois que les détracteurs de l'ENKI l'avaient signalé en disant, de toute façon, Linky ne devrait même pas exister tel quel. En plus de ça, c'était un marché qui était conclu avec un trust international et finalement, ces compteurs, c'est le consommateur qui les payera dans leur abonnement. Voilà, une raison de plus pour dire stop Linky. Mais malheureusement, jusqu'à présent, ma foi, il y a des lois ont été votées et le succès des consommateurs, des associations anti-Linky n'ont pas rencontré beaucoup de succès. Voilà. Alors, ça vaut le coup de donner la parole aux consommateurs de bas, j'allais dire. Il s'agit de la poste et des livraisons. Que dire par rapport à ça? Que la poste n'assure plus. Et un lecteur de Que Choisir écrit à l'UFC: « Je confirme les dires de M. Christ, publiés dans numéro 571 de Que Choisir. Oui, la poste n'a plus rien de service public. J'ai commandé un rafraîchisseur d'air sur Internet. La veille de la date de livraison annoncée, je reçois un SMS m'informant que mon paquet est disponible au colis relais sans m'en donner l'adresse. L'objet ne m'a pas été présenté et aucun avis de passage dans ma boîte aux lettres. Après avoir appelé différentes plateformes et visité plusieurs sites Internet, j'apprends que mon colis a été confié à Colissimo par la DPD, filiale de La Poste, et déposé dans les bureaux de poste de mon quartier. Il y a des difficultés pour me déplacer, je n'ai pas l'intention d'aller le chercher. J'en ai assez de devoir cocher les cases absents sans que l'on ait vérifié si c'était le cas. Et boîte non normalisée alors qu'elle est de dimension supérieure à celle exigée par La Poste. Voilà, c'est un consommateur, c'est Jean Bégel, qui a envoyé ça à Que Choisir par courrier électronique. Alors que dire de La Poste? Elle n'est certainement pas pire que les différents distributeurs de colis d'envois divers. Mais il n'empêche quand même qu'un service public se devrait d'être irréprochable à ce niveau-là. Et c'est vrai que malheureusement, il y a souvent des avis qui sont déposés alors que les personnes, pour retirer un paquet ou une lettre commandée, alors que les personnes sont bien présentes. La qualité du service public se perd de plus en plus. Et puis la plupart du temps, tout le monde est pressé et ne cherche plus à savoir qui est à son domicile ou simplement si la personne est bien à ce domicile. Voilà. Alors, au niveau des... Il nous reste encore quelques minutes. Des autos, il y a de quoi se ronger les sangs. À mon retour de vacances, dit un consommateur, ma Renault Dacia Sandero, garée dans le jardin, ne démarre plus. Les câbles sous le capot ont été grignotés par des rongeurs. La MAIF, la compagnie d'assurance, m'indique que ce type de dommage, considéré comme une panne et non un accident, n'est pas pris en charge. Mon véhicule est encore sous garantie. Je contacte Renault qui m'envoie un dépanneur pour l'amener au garage. Surprise, les dégâts causés par ces animaux ne sont pas couverts, soit 1 360 € de remorque et de réparation. Après recherche, j'apprends que l'Europe, ayant interdit le plastique depuis plusieurs années, les gaines de câbles de voiture sont fabriquées à base de céréales. D'où la recrudescence des attaques de rongeurs sur le capot. Les constructeurs semblaient au courant, mais font comme si rien n'était. Mais ma pauvre dame, il ne faut pas laisser votre voiture immobilisée si longtemps. Telle est la réponse qui m'a été faite. Voilà, c'est une consommatrice du 83 qui écrit à Que Choisir. Alors que dire par rapport à ça? Tout simplement, je dirais presque, mais sous forme comique, dire à la personne, essayez d'avoir un chat à la maison, autour de la maison, comme ça vous permettra peut-être de lutter contre les rongeurs. Mais c'est vrai aussi que c'est pas très bien de la part des constructeurs de ne pas assumer ce type de risque, parce que finalement on peut bien sûr changer les gaines plastiques et puis faire du faire des gaines plastiques à base de céréales, faire des gaines à base de céréales, mais encore faut-il, bien sûr, en assumer jusqu'au bout les risques, hein, même si c'est meilleur pour l'environnement. Voilà, eh bien, on arrive bientôt au bout de ces consommateurs, hein, en sachant bien qu'il y a des dossiers particulièrement intéressants. Ce n'est pas de la publicité, c'est de l'information. Dans Que choisir du mois d'octobre, à savoir de la boulangerie. Le pain n'est plus ce qu'il était. Là, il y a un dossier quand même très documenté. Hein, on voit quand même que la qualité du pain a tendance à baisser. Les voyages organisés, le consommateur mieux protégé. La fiabilité électroménager, des produits bientôt plus durables, les dépassements d'honoraires en remboursement à géométrie variable, l'e-commerce, il y a un dossier sur l'e-commerce, un zoom sur Witch.com, les cancers gynécologiques, faut-il consulter tous les ans? Ça, c'est la grande question en ce moment. Ça pourrait faire l'objet d'ailleurs d'un dossier à notre radio locale, d'un dossier santé à notre radio locale. Et puis, il y a des tests pour choisir, les couches pour enfants, les colorations pour cheveux. Quand même, il a mis en avant par Que choisir quand même le danger de certaines colorations. C'est intéressant. Les sèche-linges. Et puis, alerter sur le radon, les risques à enfin reconnus, les jeux d'enfants, escroquerie en ligne, le coût de l'aide technique, les pneus, les remplacer pas trop tôt, les produits élémentaires, les mirages de l'emballage. Voilà, en particulier, donc, des dossiers quand même qu'il faut consulter dans votre presse consumériste du mois d'octobre. Voilà, eh bien, on arrive au terme de cette émission. Je me remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle émission de La Parole est à vous.